d'une pétaille de salope, babouche, kuntal, isto era. A munegar surtout, nas espas de colera, bole vos aberti, perché vos faci espas, dall'anda las audeias e de vos taparunas. Un homme, un jour d'agosto, le scubile su l'esquina, montava dussamen en faguen trista mina, la traversa che vo deludeva su mun. Benio de Picassin, quand se get en samunt, sa resté suffuscat, sans bodega de place. Certes, di bio soufri, car fajo la grimace, que sans bourre menti, bus fajo mal pensa, dins sas bragas qui quand se l'ai di bio passa. Per minuta dus coche, sa figura s'anjava, un mal intérieur sans doute le rongiava, car si un tio tubiava, e metio per moments, una mal su son ventre, e l'autre a fond des rens. Berev s'era pujat, me sabia la magaña se se jo pa geinat, era en plena campanya, d'un era qui com mai. On lo bejo forçà, me se'n pogué fa jamais se caiu por mi fa. Fidius, de ben crepas lo mal que lo domina, reprengués un camí e sa mitjanta mina, 5 minutes après arribet ai contour, de tant que sofrició s'usava com un gur. Ben vini de su munt, 3 fennes, 3 laixaies. Arribau en parlant, les fennes sont marchaïdes, et notre homme se diguait d'un ton presque joyeux, crese que le bon Dieu m'emboya de ses cous. Une idée à ce cop traverse sa cervelle, per me place où la tiens, l'occasion est belle, mais quand t'as fait un travail, l'homme peut pas arriver, y'a pas j'ai de vergogne à se faire ajouter. À l'usette une abrique, de juste une muraille. Pausa sa sacca il sol, proche d'una brossaia. Se gli mettet dessus, quand si gette allungat, se mettet a tremblar come un ploc de salat. Dins aquel temps, la spenda de su mun arriba en parlant. En vegien un home aquí, dins aquella postura, pausa ubite l'ulas, cana trista figura, diguet una mundi, o crese que bon mundi, fennas, de pacennus, non lo cal securi. Marianna, pren un braç, pren l'altre Battistina, i ui passarai detrás, i sostendrai l'esquina. E veies que com a cor, crese que se tendrò, aquella sabia pas de qui hi revenió. La nau sudosament se'n faia de secusses, nostre home sintiguet sa sofrença pudusa. Aquella nau sament di violo su la xa, car sa mina dició que anava presque pla. Me quan seguia pla postat, les 2 ancastimales s'apuia fortament dins 2 esquixades, lanço un escorrençat, un vent a la ment fort que padís l'entender de la vinya de cor. Ai, surtout sur la xat, merci, merci, pecai e benyo entravessat, creio pas de lo faie. Sofrició com un fort desempió de matís e sans vostre secours en cada seu aquí. Vore merci e pla, anas anas, sans le petai de se n'aves pas cagat, se manca pas de gaie, pudis com me ramas, fennas en nan en nun, abandonen su cop aquel sal de furius, per malur lo camí se trapa en la balada. Una lasciai a vei sa botella vidala, pudes pensar d'aixi que ne pitjor trabal, mes això nostre amic se passa pas en tal, petas tan que vores, anas dins la camisa, mes au ben pagament, bon las ma marxandisa, de que me demandas que vos pague lo lach, me me caio quita sul, sai que l'arriba me faig, i arriba més mai de temps, més amb de paciència, se jo vengut a vos de tota ma sofrença, me caio pa venir, vos haig pas comandat. Les fendes de su munt se pegen badinasa, i digueu de tu se n'aneu en ratxar. E l'home que havia faig el que ves cop del clop, i cridava de nou, merci, un altre cop, se l'ocasió se fort, rendrai lo reciproque. Se n'hai fas un salop, farai l'altre pis proper. E se n'anet alors, tu jujus e content, e dus d'abire fa sortir un tan gros vent.